natif, grandir dans les grosses villes, environnement nocif, mélancolie chronique, jamais aucune motif, enchaîner les grosses culs, les relations toxiques, comportement hostile, des rumeurs, des gossips, des angoisses, des phobies, c'est plus trop la folie, ta meuf c'est qu'une copine, conflit dans les gros titres, des droitiers, des gauchistes, des missiles, des sochifs, le monde part en saucisse, tu connais pas la fin mais tu sais déjà qu'elle est trop triste, plus tu grandis, plus tu vois réduire le champ des possibles, l'époque où t'avais encore des rêves est passée trop vite, maintenant tu travailles juste pour construire le rêve d'un autre type. Tu peux fuir, tu peux te blinder, tu peux te recouvrir de métal, quand la vérité vient frapper, ça fait quand même mal. Tu peux survivre et remonter, tu peux décrocher les étoiles, en vrai le monde c'est ce que t'en fais, mais faut travailler. Deviens meilleur. C'est plus possible, tu mérites une autre vie. Déjoue les pronostics, change de vue, change d'optique. Calcule pas les autres types, t'es solo dans le cockpit. Avancer c'est pas perdre son temps à blâmer les fautifs. Écoute pas leur bullshit, pas tomber des low kicks. En freeride en orbite, tant pis prends des gros risques. Tombe, relève-toi et tombe, relève-toi et tombe, relève-toi et tombe, relève-toi, recommence, fais des modifs. Fuck devenir alcoolique, fuck rouler un autre split. Trouve un monde à motif, va chercher des autres kiffs. Chaque épreuve est juste un nouveau chapitre dans ton biopic. Chaque épreuve est juste un nouveau chapitre dans ton biopic. Deviens meilleur. Le monde c'est ce que t'en fais, le monde c'est ce que t'en fais, le monde c'est ce que t'en fais, le monde c'est ce que t'en fais, le monde c'est ce que t'en fais.